Donc, bonjour mes chers amis, et nous allons continuer notre chapitre 3 de la première épître aux Thessaloniciens, et nous allons le terminer ce matin. Et ce matin, on va toucher le côté de la prière. On va regarder ça ensemble. L'apôtre Paul dit qu'il prie et qu'il rend grâce. Donc, on va regarder encore ce sujet de la prière qui est si important dans la vie des croyants. Notre bon Père du ciel, nous te demandons que tu nous instruises encore ce matin, que tu nous montres, que tu nous parles, quelle est la place de la prière dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église, dans la vie, dans l'attente, je pourrais dire peut-être, dans l'attente de ton avènement, quelle est la place de la prière, afin qu'on puisse bien œuvrer pour toi, pour ta gloire, dans les temps que tu nous donnes de vivre ici-bas pour te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. On se souvient que l'apôtre Paul a appris que les Thessaloniciens souffrent beaucoup, sont beaucoup affligés, sont beaucoup persécutés, et Paul aimerait aller les voir et dit qu'à chapitre 2, par deux fois, j'ai voulu aller vous voir, mais Satan m'en a empêché. Et on a vu ensemble que dans son impatience, dans sa crainte, que Satan les trouve au point qu'il s'abandonne, il envoie Timothée avec le but de s'informer de leur foi et de les affermir et de les encourager à persévérer dans la foi que Paul leur a transmise de la part de Dieu, de la part de Jésus. On a vu ensuite que Timothée va utiliser les Écritures pour les affermir, pour les encourager, pour les fortifier. Et il revient avec de bonnes nouvelles qu'ils sont affermis, ils gardent la foi, ils persévèrent dans l'espérance de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils ont aussi un vif désir de voir Paul comme Paul avait un vif désir de les voir. Hier, on a commencé à parler de Paul priait jour et nuit. Nous allons reprendre ce thème-là, nous allons reprendre même le verset 10 et on va lire jusqu'au verset 13. Et on va faire de ce petit bloc quelques moments pour regarder la prière dans la vie du croyant pendant qu'on attend l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Donc l'apôtre Paul, il dit qu'il prie. Il ne peut pas aller les voir. Mais il prie. Et il prie. Ça, tu peux prier n'importe quand. Tu peux prier n'importe où, n'est-ce pas? Tu peux prier seul, en groupe. Mais il prie. Il prie, premièrement, on a vu hier, pour rendre grâce. Il rend grâce à Dieu. On a vu ça dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, dans le chapitre 3. Paul rend grâce à Dieu continuellement parce qu'il sait que c'est lui qui bâtit l'Église. Il sait que c'est lui, par son esprit, qui illumine, convainc, fortifie, affermit. C'est l'œuvre de Dieu. Il sait, il prend sa position. Il n'est seulement qu'un outil, comme nous le sommes tous, dans les mains de Dieu pour l'avancement du royaume. Mais c'est bien Dieu qui met en place son royaume. Ce n'est pas nous. Et on a vu aussi hier un peu qu'il prie et il demande à Dieu de pouvoir aller les voir. Pour compléter ce qui manque à leur foi, pour les rendre encore plus fermes, pour les encourager plus encore à persévérer, il veut aller les voir. Parce qu'il sait, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous surprendre, parce qu'il sait que la prière sans instruction, c'est zéro. Peut-être que ça vous surprend. C'est comme l'Évangile, ça. Je peux prier pour le salut des hommes. Mais tant que je n'ouvre pas la trappe pour qu'ils entendent les Écritures, pour qu'ils entendent l'Évangile, ils ne seront jamais convertis. Ils doivent entendre l'Évangile. Je trouve ça tellement des fois un peu bizarre que les croyants prient pour le salut des hommes, mais sont complètement inactifs. Ils ne donnent pas, ils n'envoient pas, ils ne vont pas, ils ne proclament pas, mais ils prient pour le salut des hommes. Ça ne peut pas faire ça. Ça ne peut pas fonctionner. Puis c'est pas, la prière à ce moment-là n'est pas vraie, n'est pas sincère, n'est pas remplie de passion et de désir. Quand je prie pour que les croyants soient affermis, quand je prie pour que les croyants puissent grandir dans la foi et persévérer, je dois aussi prier pour pouvoir les instruire. Si je ne les instruis pas, il n'y aura pas d'affermissement, il n'y aura pas d'encouragement, il n'y aura pas de persévérance. Les deux vont ensemble. Donc l'apôtre Paul prie pour aller les voir, prie pour pouvoir se rendre chez eux, c'est ce qu'il dit au verset 11, que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, aplanisse notre route pour que nous puissions aller vers vous. Donc, vous vous souvenez de l'obstacle? L'obstacle, ce n'était pas la distance. L'obstacle, ce n'était pas l'argent. L'obstacle, ce n'était pas le temps. Parce que Paul a dit au chapitre 2, j'ai voulu aller voir, mais l'obstacle, c'est Satan qui utilise les Juifs, les compatriotes des Thessaloniciens, pour le persécuter et vouloir le mettre à mort. Donc, ils disent, je demande à Dieu de pouvoir aller vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Je demande à Dieu cela. Il ne sait pas comment Dieu va faire. Il ne dit pas à Dieu comment faire, mais il exprime à Dieu son désir et il demande qu'il puisse aplanir le sentier, qu'il puisse aller les voir. Comme il désirait aller voir les Romains dans l'Épître aux Romains, chapitre 1. Mais il y avait d'autres choses qui le retenaient à ce moment-là. Ce n'était pas le diable à ce moment-là. Mais ici, c'est Satan qui pousse les compatriotes à vouloir le faire mourir. Donc, il reste loin. Mais il demande à Dieu de permettre qu'il puisse aller les voir. Parce qu'il sait que s'il va les voir, il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il dit, je prie pour pouvoir aller vous voir, et je prie, parce que le mot, verset 12 dit, et que le Seigneur, c'est une deuxième requête, et que le Seigneur fasse croître et abonder l'amour que vous avez les uns pour les autres, pour tous à l'exemple de celui que nous avons pour vous. Donc, Paul veut aller les voir pour pouvoir enseigner, et l'enseignement, La compréhension des Écritures va les aider à avoir une croissance dans l'amour, dans la foi, dans la persévérance, et etc. Je ne peux pas avoir augmenté dans mon amour pour Dieu et pour les frères si ma connaissance n'augmente pas. Si ma foi en connaissance n'augmente pas. Ce n'est pas pour rien que Paul veut aller. Paul pourrait bien dire, j'ai plus besoin d'aller vous voir, j'enverrai plus Timothée, je vais prier plutôt. Je vais me mettre à prier maintenant. Et je vais prier que votre amour augmente et j'ai plus besoin d'aller. Votre amour va augmenter, Dieu va répondre à ma prière. Non. Je prie que votre amour augmente, que votre foi soit affermie et qu'elle grandisse, mais je prie que je puisse aller vous parler aussi. Pour compléter ce qui manque à votre foi. Sans ça, ça n'arrivera pas. Il ne faut pas dissocier les deux. On disait quand on était jeune, il faut mettre des pattes à nos prières. C'est un peu la même pensée. Je ne peux pas prier pour que l'affermissement des saints, la croissance des saints, et ne pas les enseigner. Donc, on ne peut pas dissocier l'enseignement de la prière et la prière de l'enseignement. Donc, Paul, il dit, je prie que Dieu enlève l'obstacle qui m'empêche d'aller vous voir pour vous instruire. Je prie que votre amour augmente les uns pour les autres et pour Dieu, bien entendu. Et ensuite, il dit au verset 13, je prie pour qu'il puisse affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père. Oh, n'allez pas trop vite pour penser tout de suite. Paul prie pour que les chrétiens soient des meilleurs chrétiens, que les femmes aiment plus leurs maris, que les maris aiment plus leurs femmes, et qu'ils prennent soin de leurs enfants comme il faut, qu'ils fassent moins de péchés. Ce n'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Il dit, je veux que vos cœurs soient affermis. On avait vu qu'il avait envoyé Timothée pour les affermir. Lui, il va aller les voir pour affermir leur cœur, afin qu'ils soient irréprochables dans la sainteté. C'est important ici, la sainteté, parce qu'on va revenir dans ce sujet au chapitre 4, qui va être important. Il dit, je veux que vous soyez irréprochables en sainteté. Il ne peut pas parler ici que je veux que maintenant vous fassiez plus de péché, parce que ça n'arrivera jamais. Les chrétiens pêchent et vont pêcher jusqu'à leur mort. Donc, s'il veut, il va aller les voir pour les enseigner, afin de les affermir, pour qu'ils restent affermis, qu'ils soient saints. Qu'est-ce qui m'a rendu saint? Ils sont déjà saints, mais il veut les affermir pour qu'ils restent dans cette sainteté-là, qu'ils soient trouvés par Dieu le jour de son avènement, irréprochable dans la sainteté. Qu'est-ce qui m'a rendu saint? Qu'est-ce qui m'a rendu acceptable aux yeux de Dieu? C'est ma repentance et ma foi en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu en moi par le Saint-Esprit qui m'a régénéré, qui m'a donné la vie éternelle, qui m'a donné le Saint-Esprit. C'est ça qui m'a rendu saint. Il dit, je voudrais vous enseigner afin que vous soyez capable d'être affirmé et de réfuter les faux docteurs, les hérésies. Vous pourriez répondre à vos compatriotes pourquoi vous avez abandonné les idoles et vous êtes tourné vers Jésus-Christ, vers Dieu pour le servir, et que vous restez attaché, affirmé, pour que vous persévéreriez dans la foi et que si... Quand Christ va venir, quand l'avènement va avoir lieu, vous allez être, quoi? Ferme dans la foi et irréprochable. Ce qui me rend irréprochable, c'est que je reste attaché à Dieu et à Jésus-Christ, à l'évangile reçu par l'apôtre Paul. Donc, Paul dit, je prie pour que Dieu enlève l'obstacle pour que je puisse aller vous voir, parce qu'il sait que sans cela, il n'y aura pas de croissance. Il dit, je veux maintenant, moi, aller vous voir, vous instruire, et votre amour va croître, vous allez devenir plus ferme, et vous allez plus ferme jusqu'à quoi? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Que vous allez rester, vous allez persévérer jusqu'à l'avènement du Seigneur. Sans ça, ils ne persévéreront pas, et ils ne seront pas irréprochables à l'avènement du Seigneur, et ils vont être discrédités, ils vont subir la colère de Dieu. Et je veux que vous soyez saints, irréprochables, lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et avec tous les saints. Ce n'est pas quelque chose d'optionnel. Tous les saints qui sont affermis par les Écritures, qui sont irréprochables en sainteté, vont être ensemble au retour du Seigneur, vont être, comment je pourrais dire, ceux qui vont être reçus par le Seigneur Jésus-Christ, comme on va voir dans le chapitre, dans le chapitre 1 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Il faut, mes frères et sœurs, si vous voulez être ferme, si vous voulez être irréprochable dans la sainteté lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, il faut investir du temps, de l'argent, des efforts pour être trouvé irréprochable dans la sainteté. Ne vous fiez pas sur votre profession de foi 30 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Ah, oh, j'étais sauvé il y a 30 ans, moi. Ah, oh, j'étais sauvé il y a 10 ans, moi. Ah, oh, j'étais sauvé, moi. Donc, je suis correct. J'ai été. L'apôtre Paul avait dit au chapitre 1, vous avez été élu, je le sais. Mais ici, il dit, j'ai envoyé Timothée pour vous affermir de peur que Satan vous tente et que j'ai travaillé en vain. Je veux aller vous voir pour vous affermir, parce que si vous n'êtes pas ferme, vous n'allez pas persévérer jusqu'au retour du Seigneur et vous allez subir la colère de Dieu. Ça, mes frères et sœurs, ça se fait par les Écritures. Les Écritures, utilisées par le Saint-Esprit en nous, vont renouveler notre intelligence, vont nous rendre capables de discerner les fausses doctrines, les faux docteurs, les hérésies, vont nous rendre capables de supporter l'affliction, la souffrance dans la joie du Saint-Esprit et d'attendre patiemment, avec persévérance, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. La plupart des croyants ou de gens qui se disent croyants se contentent d'aller à l'église le dimanche matin et d'écouter un petit 30-40 minutes d'enseignement. Et ils pensent que ça va être suffisant. Ils pensent que c'est assez. Mais il y a tellement de possibilités aujourd'hui de pouvoir écouter, lire toutes sortes de personnes, toutes sortes d'enseignants à travers le monde. Si vous parlez anglais et français et une autre langue en plus, vous avez une multitude d'options pour écouter, vous instruire. Je vous encourage, frère et sœur. Ne vous fiez pas avec ce qui s'est passé en arrière. Vous devez aujourd'hui vous battre, combattre pour garder la foi. Et pour arriver, comme l'apôtre Paul il dit, j'ai gardé le bon combat. J'ai terminé la course, la couronne de vie, la couronne m'est réservée. Parce que j'ai persévéré jusqu'à la fin. J'ai combattu. Il y a un combat là. Satan, comme il veut empêcher l'évangile d'être prêché parmi les inconvertis, il veut aussi empêcher les Écritures d'être enseignées dans l'Église. Il veut empêcher le croyant d'étudier, de lire, de méditer, de prier pour bien comprendre les Écritures, afin d'être ferme. Donc, l'amour va augmenter, la fermeté va, vous allez, je pourrais dire, vous endurcir et vous allez garder l'espérance. Vous vous souvenez, je vous ai parlé en arrière, la foi, l'amour et l'espérance. Toujours ensemble, toujours ensemble. Ça se sépare pour ça. Donc, avant de prier, j'aimerais vous dire que ça va être la dernière vidéo pour cette semaine. Il n'y en aura pas d'autre. J'ai besoin d'un peu de temps pour finaliser ma compréhension du chapitre 4. Donc, je vous reviens lundi prochain avec le chapitre 4. Priez pour moi, afin que Dieu me donne de bien comprendre le chapitre 4, parce qu'on va parler de cette sanctification-là. On va parler d'aller de progrès en progrès, qui est tellement utile de bien comprendre ce que l'apôtre Paul veut dire aux Thessaloniciens. donc à la semaine prochaine. Bonne fin de semaine. Notre bon Père du ciel, merci que par ta parole, notre amour augmente pour toi et pour les frères et sœurs. Merci que par ta parole, nous s'affermis jusqu'à l'avènement du Seigneur et on t'attend avec tous les saints afin que tu viennes établir le royaume de Dieu d'une façon complète et totale et que tes serviteurs puissent adorer, servir notre Père, notre Dieu, notre Créateur. Ô notre Dieu, fortifie-nous. Donne-nous, Seigneur, en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant qu'Église, d'investir dans les Écritures afin que ton Église puisse grandir dans la foi. Au nom de Jésus, amen.